je me dormirai comme un roi. La la la la la la. Et en nomination dans la catégorie des gens qui méritent une pub, c'est vous. Hein? Poppy? Ouais, super. Moyen. Oh non, très bon, très bon. Allez. Merci, t'es fine. Come on, my friends, it's time.